بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثاني وعشرون 22 نصف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم سيكون الدرس الحادي عشر من الكتاب من الوحدة التاسعة l'onzième leçon dans le livre de la neuvième unité, on dira comme ça. بعنوان تطور الصناعة. Ce serait le développement de l'industrie. Dans ce sens. تطور, c'est tout ce qui est avancée, modernité, développement, ce genre de choses. Évolution. L'évolution de l'industrie. On va dire comme ça. Sinéa, c'est tout ce qui touche à l'industriel, fabrication, confection, ce genre de choses. On peut utiliser le verbe sanaa yasnao, bimana fa'ala, amila. Non. Quand j'ai vu ce texte, ça m'a fait penser un petit peu au doulous que j'avais pris au début quand je commençais à apprendre l'arabe en Égypte. C'était le même style, il y avait tout sur les fusées et tout ça là, c'était... c'est pour apprendre des mots, tu vois, donc la baisse. Dans ce texte-là, il y a un gros tambih à faire. Parce que... un truc sur lequel on va vite fait allaq. Le but de ce qu'on fait ce livre, tu vois, c'est d'apprendre du vocabulaire de façon générale au talib. Tant ce qui touche au din comme à la dunya. Mais bon, normalement, tu as vu une jamia muslima qui enseigne la langue arabe, ce genre de choses aux ghuraba. Al awla an yu'allimuhum bima yatalaq bi umur dinihim. Tu fais en sorte de leur enseigner ce qui te concerne dans la religion. Parce que tu apprends la langue arabe, c'est pas pour apprendre à faire des fusées, ni pour apprendre à faire des satellites. Ouais, je sais, mais même ta'bir, tu sais, à la base, ta'bir, c'est quoi? C'est apprendre à s'exprimer. Donc demain, quelqu'un il vient, comme je t'ai dit, مثلاً, il apprend des ta'bir comme ça. Quand même, s'il a déjà des bonnes bases en arabe, et tu lui mets un hadith, il ne comprend pas. Ce ta'bir, il sert à quoi? Parce que le cause de la base, ta'bir, j'ai le ta'bir, tu prends du Coran et la Sunna, c'est pareil. Tu parles l'arabe, tu t'apprennes de. Tu n'y arriveras jamais, mais je veux dire, le meilleur usul, c'est le usul du Coran, kalam Allah, n'y a le hadith kalam Allah, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et deuxièmement, tu t'apprends des salafs comme ils parlaient, c'était eux les meilleurs arabophones. Même Tani. Et donc leur usloub dans la langue arabe, comment il était, c'est dans les textes que tu l'as trouvé. Dans les hadiths, dans les athar, dans les kutub des aïmma, et ainsi de suite. Et crois-moi bien que si tu maîtrises la langue arabe de ce côté-là, le reste va être très facile. Avec ce que demain quelqu'un vienne et il apprend ce genre de mots, et tu le mets hadith, il est perdu. Combien de fois on voit des hadiths, on les lit, tu dis je comprends tous les mots, mais je ne comprends pas le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire. Et le but du hadith, c'est d'apprendre, par exemple, ça se trouve c'est une mas'ala dans la tahara, la purification. Tu fais comment? Ou dans la salah, tu fais comment? Dans le hajj, tu fais comment? Ça se trouve tu as raté un wajib dans ta salah parce que tu n'as pas compris le hadith. Ou tu vas mal l'interpréter, tu vas mal le comprendre. Alors, ou l'aula. Donc le ta'bir, l'une des meilleures façons de l'enseigner, c'est l'enseigner justement avec le usloub des arabes. Et des meilleurs arabes. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand même une afsah nas, plus éloquent qu'il y avait. Tu t'apprennes de lui. Voilà. Et comme je t'ai dit, je te le répète, si jamais tu arrives à comprendre comment on parle, tu arrives à comprendre les hadiths et comment on parle les salafs ou quoi, crois-moi ça, c'est. Tu vas le boire comme de l'eau, biznillah. Alors que ça, c'est pas tout pour toi. Tu vas prendre ça, écouter en mode des hadiths, tu vas dire, il y en a combien aujourd'hui des Atibba, des Mohandisoun, des Relezalika. Ils sont forts en arabe, tu les vois, genre, par exemple, si j'exprime, ils font un discours politique, ils font un discours, ils parlent bien, et les hadiths, ils comprennent pas. Ou ils pensent qu'ils les comprennent, mais ils ont pas compris. En plus, il y en a combien qui sont égarés avec la langue arabe? Combien sont égarés avec la langue arabe? Parce que t'en as, ils pensent que prendre la langue arabe, phrase, une fois que j'ai pris la langue arabe, tout le reste, je l'ai. Non, la langue arabe, faut la comprendre comme il faut. Parce que les plus grands imams de la langue arabe, à la base, c'était le Moutadia, justement, c'était pas des salafis. C'était pas des gens de la sunna. Il était très peu de gens de la sunna qui étaient des. Ah ouais. Parce que la langue arabe, on peut t'égarer grave. Les hommes, les gens qui étaient dans les salons de la langue arabe les plus forts, la plupart, c'était des gens de l'égarement. Murtazila, Sha'ira, tout ça, ceux qui interprètent les sifat et tout. Donc comment tu fais? Parce que justement, tellement ils ont fait la langue arabe plus qu'autre chose. Langue arabe, ils n'ont pas pris l'arqida comme il le faut. Et voilà, résultat, il y a eu une hirof qui est arrivée. Donc là, c'est ça, tu dis, ouais, il faut que la langue arabe. Il parle masha'Allah. Et tu prononces Allah dans l'arqida, il est perdu. Lui, il croit qu'il connaît, tu n'as pas compris. Il sort le majaz, il sort des choses, tu vois, qui. Parce que tout ça, c'est des choubottes qui sont entrées par la langue arabe. Le ta'til, le tahrif, le tamthil, ce genre de choses dans les sifat, dans les asma, comment c'est rentré? Par la langue arabe. Ils interprètent les sifat. On dit yadullah, on dit non, c'est pas yad, c'est du majaz, ça veut dire la kouwa, ça veut dire la ni'ma, ça veut dire ceci, cela. Sa chouboute, c'est comment tu vas te la mettre? Par la langue arabe. Donc c'est pour ça que la langue arabe, il faut l'apprendre. Celui qui veut apprendre le djinn est obligé de l'apprendre en langue arabe. C'est wajib, ce qui fait faire Talab al-Ilm, son langue arabe, il ne va pas aller loin. Il faut l'apprendre, mais il faut l'apprendre à juste mesure et avec les gens qu'il faut. Sinon, tu peux glisser méchamment avec langue arabe. Donc attention à ça. Les gens ont déjà que langue arabe, pour eux, c'est le but ultime de la religion. Je dis non, la langue arabe, c'est un outil, c'est un moyen. Une fois que tu as des bases en langue arabe, rentre dans d'autres sciences pour apprendre. Et après tout ça, ça va s'assembler et ton niveau, Inch'Allah, il va monter. Mais c'est pas tu fais langue arabe à fond, rien d'autre. Et tu penses que si qu'il te faut que la langue arabe, après le reste, ça va être facile. Mais non, c'est vrai que c'est la langue arabe bien, le reste, business, ça va être facile. Tu vois? Mais ça ne suffit pas d'avoir que la langue arabe. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est l'outil pour les gens comme nous, qui à la base sont convertis, ou ceux qui sont repentis et qui ont grandi en France, aux États-Unis, dans les pays d'Occident qui n'ont pas langue arabe. C'est un outil primordial. Parce que t'en as, ils sont nés depuis petits, ils ont pris la langue arabe. Ils sont à l'école, dans les pays arabes, ils ont pris la langue arabe. Ils sont très forts en arabe. Ils connaissent pas tout. Mais voilà. Alors que nous, on parle de Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, tu vois. On parle de zéro. Ça, c'est plus dur. Eux, ils ont déjà tout ça. C'est Adi pour eux. Donc, c'est pas comparable. Donc, fais attention à ça. Là, je suis boîte de. Les gens, on dirait qu'ils veulent tout miser que sur la langue arabe. Mais non, la langue arabe, au début, mise sur elle, pour pouvoir passer à autre chose après. Je te dis pas, une fois que j'ai langue arabe, le reste, ça va être facile, je prends juste le livre, je pourrais lire tout seul. Oh non, tu pourras pas lire tout seul. Tu pourras pas lire tout seul. Des fois, des kilomètres dans des sens, elles ont plein de sens. Tu vois. Tu vas lire un mot, tu vas prendre le mauvais sens. Eh ben, tu vas avoir une erreur. T'en as, c'est ça qu'ils font. Ils vont dans quelques temps en Égypte, je sais pas où, pendant langue arabe, après ils rentrent en France, classe. Il est arabophone ou un peu arabophone, c'est vrai que c'est un da'i d'Allah, c'est un prédicateur. Et il a rien appris du reste ou pas grand chose du reste. Eh ben, tu vois des résultats catastrophiques chez certains. Donc la langue arabe ne suffit pas. Être arabophone ne suffit pas pour pouvoir cerner la religion comme il faut. C'est juste un outil. Pas mal. Donc là, il va parler de tout ce qui touche à l'évolution industrielle, ce genre de choses, fabrication et autres. Comme je t'ai dit, tu vas apprendre des mots, alhamdoulilah. Même moi, il y a des mots, car à chaque fois que je prends des dates, je le révise avant. Des mots que j'ai oubliés, que je me rappelle, ou des mots que je ne connaissais pas, que voilà. Anastavid Marak, tu verras là. En vocabulaire. Mais bon, généralement, ce genre de conversation, tu les as avec qui? Tu vois? Généralement, entre nous, on parle pas trop de ça, quoi. Ou si on en parle, généralement, on parle de France, c'est en français. C'est en français, c'est pas en arabe. Demain, je vais pas monter sur une roadbus, je vais pas aller diffuser. Mathalan. À part si tu veux sortir un point précis. Tu vois? Tu veux sortir un point précis qui a un lien avec ça? Non. Mais sinon, c'est pas, tu vois. Naam, la khair, inshallah. Fa yaqul al kalimat al jadida. Tatawwur. On a dit quoi, tatawwur? C'est évolution, avancée, développement, ce genre de choses. Modernité. Ma'ana taqaddum. Khata yakhthu. Ça, c'est avancé. À la base, le khotwa, c'est un pas. Takhthu, c'est avance. Khata yakhthu. Ijtihad. هذا مصدر من اجتهد سر المصدر دي فيرب اجتهد رحمك الله سر المصدر دي فيرب اجتهد qui veut dire c'est forcé, c'est forcé, d'accord, c'est forcé. الفخارية ça vient de فخار, ça va venir les اواني فخارية, c'est les récipients en terre cuite. Terre cuite. Fakhar, c'est la terre cuite. Comme de l'argile ou genre de chose. Hein? Ouais, ça rentre là-dedans. Ouais. Non. Yatamada yatamidu. On l'a déjà pris celui-là. Mamarna? Ouais. Mon mazar, c'est yatimad. El qidam. Ancienneté. Tahsin, on pourrait dire amélioration. C'est le masdar de hassana yuhassinu. Tu vois, améliorer une chose. Soba yasbu, imana arada talaba, yani on dira convoiter. En français, convoiter. Vouloir quelque chose, tu vois, rechercher quelque chose. Oh, j'ai oublié celui-là. Tatabba'a et tatabba'u, c'est poursuivre. Suivre une chose, la poursuivre, la rechercher. Iktashafa, yaktashifu, explorer. Ou découvrir plutôt, afon. Explorer, c'est iktashafa. Iktashafa, c'est découvrir, découverte. Et istakshafa, c'est ça, explorer. Istakshafa? Aïwa, à la voix istafa'ala, c'est explorer. Al-Buda'iyya, ça, ce serait, puis maintenant, rudimentaire. Puis maintenant, rudimentaire, des choses anciennes. Vous avez trouvé quoi? L'essentiel. Dans le texte, c'est maintenant rudimentaire. Comment il va dire, les aslihel buda'iyya, c'est les armes rudimentaires, les premières armes anciennes. Il va en parler. Là, c'est pour dire, regarde, à titre d'exemple, dans le Kamus, tu vas trouver le mot, ça se trouve, le sens que tu vas trouver ne convient pas avec le texte. Donc imagine-toi, quelqu'un, il fait ça dans l'aqida. Il cherche un mot dans le dictionnaire, par exemple, il ne connaît pas le mot, il va dans le dictionnaire. La rousse, je ne sais pas quoi. Il dit, c'est pas dans ce dictionnaire-là que tu vas trouver le sens voulu par. Dans les nusus shar'iyya. C'est pas dans ce dictionnaire-là que tu vas l'avoir. Par exemple, tu cherches le ma'na. Parce que souvent, comme tu le sais, on a le ma'na lorawi et le ma'na shar'i. Le ma'na shar'i, tu n'as pas trouvé dans le dictionnaire en général. Tu as trouvé le ma'na lorawi. Et nous, quand on fait dans le din, on cherche à la base, souvent, c'est le ma'na shar'i. Donc, il faut faire attention à ça. المراكب الشراعية. المراكب c'est le genre de markab, c'est tout ce qui se monte. Là, le sens c'est embarcation. Il vise le bateau, embarcation. Ouais, الشراعية c'est à voile, donc les bateaux à voile. الثورة c'est la révolution. الثورة la révolution. Nouvelle expansion, chose nouvelle. Là, il ne veut pas forcément Thora, Khuruj al-Hukam. Par exemple, on va dire, ouais, cette invention, c'est une révolution pour l'humanité. Ça veut dire ça, tu vois, c'est un renouveau. Izdihar. Celui-là, c'est Mana, apparaître. Al-Zuhur al-Wadih. Surgir, apparaître ou ce genre de choses. Fait et quoi? Là, c'est une chose qui devance, ça allait de l'avant, mais ce serait. Dans le texte là, dans le sens une chose ahurissante, surprenante, inégalée. Supérieure, c'est bon? Aussi, ouais. Aussi, ouais. Ça vient de faire quoi? Il y a faux coup. Al-Aql. L'électronie, l'aql ma'louf, c'est la raison. Électronie veut dire électronique, c'est-à-dire tout ce qui est l'affection des. Une idée. Matériel. T'as raison dans le texte, il veut dire par là, ce que tu réfléchis par exemple, ils veulent attribuer le aql par exemple comme aux choses comme l'ordinateur. Il faut l'intelligence matérielle, on va dire. Halla yahullu ay akhadha mekana. Remplacer. Dans le sens. Ça te coule. Tu vas dire, Mathalan. السيارة تحل محل الحصان que la voiture a pris la place du cheval. Alors on passe le cheval. قاس يقاسي أي أن تجد مشقة trouver la difficulté. نفس المعنى عانى يعاني نفس المعنى تقريبا قاسى يقاسي وعانى يعاني مترادفان Là, c'est Yartana pour le sang. Yartana, Yartani. Trouver la difficulté, c'est que tu as dans le texte, ça va apparaître. Mahada yumahido. C'est étendre une chose. Étendre. Étendre. Ou également dans le sens. Prédisposer une chose pour ouais aussi aplanir ça en dedans mais on sait que c'est pas ça qu'ils veulent ou tu m'as aidé de si tu prépares la route pour qu'elle soit accessible Emt là dans le ouais Barna préparé là pour ce qui va venir par la suite. Non, dès que ça va mieux t'apparaître, tu vas comprendre, tu vois. Qutr, Mana Bered, c'est un état. Ça. Un pays. Inqata'a yanqati'u, ça c'est s'interrompre, se couper. Naam. طيب الآن سنقرأ النص يقول يشهد العالم تطور صناعيا عظيما قد خطى العالم خطوات كبيرة في الصناعة. Donc le monde témoigne de l'évolution industrielle, d'une grande évolution industrielle. Qu'il a avancé, le monde a avancé, on va dire le mot par mot, à grands pas dans l'industrie. Hein, la fabrication, les gens jouent. وكل ما شاهده اليوم من هذا التطور الصناعي هو نتيجة اجتهاد عظيم وعمل دائم لم يتوقف لحظة. Et tout ce que on le constate aujourd'hui, shahida, on dit atamonim, là on traduira par constater, comme évolution industrielle, cela est le résultat d'un grand effort et d'un travail incessant, continuel, qui ne s'arrête pas un instant. وَكَنَا أَوْلَا يَذْكُرْ عَدَا نَاللَّهِ. Cela vient d'Allah. Vous voyez ? وَالْفَضْلُ لِلَّهِ وَحْدَهُ. إِنَّ الْإِنسَانَ مُنْذُ الْقِدَمْ يُفَكِّرُ وَيَعْمَلُ لَيْلًا وَنَهَارًا لِتَحْسِينَ أَحْوَالَهُ. Que certes l'homme, depuis les temps anciens, on va dire, réfléchit, fakkaro fakkaro, c'est réfléchi, et œuvre jour et nuit pour améliorer sa situation. Ou ces situations-là, c'est un jam. وَلِهَذَا لَمْ يَتْرُكْ وَسِيرَةً إِلَّا جَرَّبَهَا فِي السَّبِيلِ الْوُصُولِ إِلَى مَا يَصْبُو إِلَيْهِ. C'est pour cela qu'il n'a pas laissé un moyen sans qu'il le teste. Jarraba l'a testé, a dit à l'essayer, en vue d'arriver, d'atteindre ce qu'il convoite, à ce qu'il convoite, ce qu'il recherche. Wamima yasbu ilayhi ma wa shar. Wamima ma yasbu ilayhi ma wa khayr. Comme les choses que l'insali convoite, il y a du bien et il y a du mal. Et souvent, il y a plus de mal que de bien. Malheureusement. Car beaucoup veulent défier la création. Tenter de ressembler à Allah dans la création, s'imagine qu'ils ont fait des choses énormes. On va dire, mais t'as rien fait. T'as rien fait. Et c'est ça que je reproche un peu à ce texte-là, là, pour une jamia muslima, c'est qu'il n'y a pas de... Tu vois là, c'est le genre du texte dans lequel justement tu rappelles, tu parles. Selen, bima yata'alak bi, kouwatillah fil rububiyya. C'est là, dans ce genre de choses, que tu rappelles la chose. Mais ils n'ont pas comme... Là, ce qu'ils ont dit là, un kafir peut le dire. Tu vois pas que c'est un musulman qui parle là, dans ce texte-là. C'est un kalam am, tu vois pas que c'est un musulman qui parle. Un kafir peut dire ce qu'il dit là aussi. C'est ça que je trouve triste, tu vois. Pour un texte comme ça, il faut bien rappeler que Al-Fadl min Allah. Et ne pas oublier une scène, c'est quoi sa place, qui est là, c'est un serviteur, qui est petit, qui n'est rien du tout. وَمَا بِكُمْ مِنْ يَعْمَاتِينَ فَمِنْ اللَّهِ. Vous n'avez pas de bienfait, ce n'est d'Allah. Vous voyez ? وَلَا تَنْفُذُوا إِلَى بِسُلْطَانِ. Et vous ne pourrez atteindre cela, si ce n'est par une puissance. La puissance, ça vient de qui ? Ça vient d'Allah. وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et ça, point de vue dhikruna, rien, malheureusement. فَيَقُولُ وإذا ألقينا نظرة لنتتبع مراحل التطور الصناعي نجده بدأت بالصناعة اليدوية كالأواني الفخارية والأسلحة البدائية. Il dit donc si on jette un œil, ألقينا c'est jeter un œil, نظرة, un coup d'œil, un regard, pour suivre les étapes de l'évolution industrielle, مراحل. C'est le djem de marhala qui veut dire étape, échelon, genre de choses. Nous trouvons, nous, que c'était au début une industrie manuelle, fabrication manuelle. Comme par exemple la poterie, comme je disais, les récipients, à base de terre cuite. Et les âmes rudimentaires. Bah tiens, regarde par exemple, petit exemple, là il parle d'âmes rudimentaires. Aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses âmes qui existent? Est-ce que ces âmes, elles sont gréées par Allah subhanahu wa ta'ala? Les âmes, elles te détruisent la moitié de la terre. Pour dire jusqu'où l'insan y va. Et ce qu'Allah a voulu, hein, s'il a atteint ce stade-là, tu vois. Mais est-ce que Shan'an a dit, est-ce que c'est une irada shar'iyya, est-ce que c'est une chose que Allah il veut? Tu vois? Ces âmes qui créent les destructions qu'elles commettent, ce genre de choses. Et ces âmes, qui c'est qui les crée? C'est pas les musulmans qui les créent, justement. C'est les koufars. Après, ils disent les musulmans, ils font le mal dans le monde, ils sont des criminels terroristes. Les plus grosses âmes, c'est vous qui les faites. Les grosses bombes là, c'est pas les musulmans qui les font. C'est vous qui les faites. Même les armes qu'on voit actuellement là, elles sont fabriquées, c'est pas les musulmans qui les ont inventées. Tu vois? Et même d'ailleurs, ils s'en vantent. Et nous, il y en a parmi nous qui s'en plaignent. Alhamdoulilah que, tu vois, mais tout ce qui est avion, tout ce qui est sous-marin, tout ce qui est porte-avions, tout ce qui est char d'assaut, ce genre de choses, qui c'est qui a inventé tout ça? Ah! Donc ça prouve bien, c'est qui a l'esprit de guerre? En premier lieu, qui veut, tu vois, s'imposer et avoir le dessus. C'est qui en général? Ah, ouais. Ah, mais le muslim, il est tamid dans Allah. Tu vois, le muslim, il se bat sur Allah, même s'il a une âme. Mieux il est préparé pour ce qu'il attend, mieux c'est pour lui. Mais c'est très bien qu'à la base, ça ce n'est qu'un sabab. Que c'est Allah, tu vois. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ce n'est pas toi qui as lancé, ce que tu as lancé, simplement c'est Allah qui a lancé. Avec une poignée de sable, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à quoi? À faire du mal à ses ennemis. Une poignée de sable. C'est-à-dire que si Allah demain il veut, même t'as une âme rudimentaire, justement, si Allah est avec toi, tu vas faire des choses surprenantes avec la foi. D'accord, ça se passe dans les pays d'islam, lorsqu'il y a eu des combats avec les koufars, par exemple, je sais pas moi, en Afghanistan, mais qu'après ça a mal viré, mais lorsque les Afghans sont battus contre les Russes, ils ont eu le dessus sur eux. Alors qu'à la base, les Russes étaient bien plus équipés qu'eux. Comment ça se fait, ça? C'est, parce que c'est un pays d'islam. Allah, il les a leur donné le dessus. Parce que c'est les musulmans contre l'islam contre le kufr. Donc forcément, les musulmans, ils ont le dessus. Après, malheureusement, il n'y a pas eu le suivi dans l'istiqama. Donc l'Afghanistan, il y a eu des mauvaises situations qui se sont faites par la suite. Mais à la base, les Russes sont arrivés avec leurs grosses armes. C'est l'une des plus grosses puissances, les Russes. Et l'Afghanistan, ils avaient quoi, l'Afghanistan? Ils n'avaient rien du tout, mon frère. Comme Chia dit, ils avaient des petits fusils et tout. Et ce qu'ils, après, ils ont récupéré les armes des Russes. Mais à la base, en face à face, ils n'avaient pas grand chose. Et malgré ça, eh ben, ils ont fait battre en retraite. Pourquoi? Minallah. Pas par leurs armes ou quoi. Ils ont fait les causes qu'ils avaient. Tu vois? Wa'idou la umma statatou min kouwa. Préparez-la ce que vous pouvez comme force. Ce que tu peux. Il y a des limites, tu peux pas tout faire. Et le reste, t'as tamid à Allah. C'est pas tu fais des péchés pour arriver à faire une arme. Ou arriver à avoir un moyen de te défendre. Tu fais ce que tu peux faire qui est autorisé. Alors que eux, c'est sans limite. Eux, c'est sans limite. Quitte à tuer des gens, à tester sur des vies humaines ou je sais pas quoi, c'est sans limite. Leur but, c'est d'exterminer le plus de gens possible. Quand tu fais une bombe qui détruit un pays entier, c'est quoi que tu veux faire? Tu veux tuer tout le monde, c'est tout, hein, ça va pas plus loin que ça. Tu veux tuer les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, détruire les habitations, détruire tout ce qu'il y a. Le musulman, c'est pas ça, lui. Même quand, dans le djihad, tu coupes même pas les arbres. Pas te dire. Les femmes, on les touche pas. Les enfants, on les touche pas. Les vieillards, on les touche pas. Même le prêtre dans son église, ou le rabbin dans sa synagogue, on les touche pas. Quand il y a un djihad, il y a bien des règles pour dire qu'ils disent djihad, il est bien fait en islam. Il est droit. Même il y a un djihad, tu t'en prends à celui qui est devant toi. Et s'il se rend, il se pousse, khalas, tu laisses tranquille. Ou dans votre système, tu laisses tranquille. Non, mais eux, c'est destruction, c'est barbare. C'est de la violence. Tu vois? Eux, c'est eux les criminels, ces gens-là. Ah, mais en islam, il y a des règles. Celui qui se rend, là, c'est fini. Et le prisonnier, tu traites bien. Tu le nourris. Comme tu te nourris, tu vois? Tu traites bien. Il n'y a pas toute torture comme ils font pour faire parler l'ennemi. Tu prends toute torture, tu fais des trucs atroces. Il n'y a pas ça en islam. Et même, en islam, tu serais mené à tuer, tu fais bien. Vous êtes quand elle tombe, forcément, quitte-la. Si vous tuez, faites-le bien. C'est pas tu viens, tu le mutiles. Ou tu le prends et tu le mets comme justement le tamsil, c'est mal ajouté en islam. Que tu le prennes, et par exemple, je sais pas moi, tu le mutiles ou tu le dépies, tu le coupes ses membres ou quoi, après tu mets un exemple. Ça, il n'y a pas ça en islam. Tu vois, il n'y a pas ça en islam. Et ça, c'est eux qui font ça. Et après, ils disent les musulmans sont des gens qui font ceci, cela. Eux, des menteurs. Donc, on disait les âmes rudimentaires. Narm. Après, il dit quoi ? Mimma yahtaju ilay, de ce dont il a besoin. Walakin bimurur al-zaman wa dhuhur al-thawra al-sina'iyya ba'd iktishaf al-taqa izdaharat al-sina'at l'inawafi izdaharat al-sina'atu rizumi sina'ati safa'il wa tatawwarat kathiran bisura'atin fa'iqa. Donc il dit, cependant, avec le passage du temps et l'apparition de la révolution industrielle, après les découvertes, attends quoi ? Là, on va dire la puissance, la force, l'énergie, l'énergie. On va dire que la confection industrielle est apparue beaucoup avec une vitesse énorme, on dirait comme ça. C'est ça que tu vois le mot fa'iqa, là il convient pas. Supérieur quand tu l'as trouvé. Il n'est pas menacé. Là serait une vitesse surprenante. J'ai pas trouvé de mot équivalent sur le moment. حيث صارت تعتمد على العقل أكثر من اعتمادها على القوة الجسمانية. بل لقد حل العقل الإلكتروني محل العقل البشري في بعض الأعمال. Donc il dit, car cela se basant sur la raison plus que sur la force corporelle. T'as vu? Là, c'est pas l'atman à Allah. Comme il dit bien. À l'aql. Pour dire que ce texte-là, tu vois, fait une avare. Et on dira même que l'intelligence. Comment vous appellerez ça quand c'est l'intelligence des machines? Quand c'est des ordinateurs, tout comme ça. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un mot. Enfin, tu m'as compris, tu vois. L'intelligence, on va dire, des machines, a pris la place de l'intelligence humaine dans beaucoup de travail. Et là, Kalem, il n'est pas sahih parce qu'il n'y a pas d'aql. Tout ce qui est machine, tout ce qui est confection, ils n'ont pas d'aql. À la base, il y a l'aql. Il y a l'aql. C'est le kalb. Et les machines, elles ont un kalb. Pour dire que ce Kalem-là, il n'est pas. Là, tout le monde, c'est la même nid. Voilà la kitab, voilà la sunna. Le aql, il est dans le kalb. Comme c'est vu dans le texte, tu vois. Un PC, un ordinateur, il a un kalb. Il a un cœur. On va dire qu'il a un aql. Il n'a pas d'aql. Il a une forme d'intelligence. Il arrive à calculer des choses. Et tout cela basé sur quoi? D'abord, par justement l'intelligence humaine qui elle-même est basée sur quoi? Ce que Allah lui a accordé. Donc il y a toujours un homme derrière. Et derrière tout cela, il y a qui? Allah avant tout. Si demain Allah il veut, innama iza arada Hashem yakun lahu kun fayakun, le PC il est là sans toi. Et le PC s'il veut, il est plus fort que toi. Si Allah il veut. Seulement il n'a pas voulu. Kouniyan. Il n'a pas voulu. Il a voulu que ce soit toi, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout ce qui est sur terre pour nous. Wa allazi ja'alakum fil ard ma fil ard jami'a. Khalaqalakum ma fil ard jami'a. Celui qui a créé ce qui est pour vous sur terre. Tout. à notre service. Une fois de lit. Tu vois. Une fois de lit. Mais si demain Allah il veut, c'est les chevaux qui vont sur toi. Tu vois. C'est la vache qui va te traire. Alhamdulillah, c'est pas le cas, tu vois. Et au lieu de ça, au lieu de remercier Allah pour ces bienfaits-là, regarde ce qu'il dit. Al-Aql. L'irtimad al-Akada. Dis, remercie Allah, mon frère. Remercie Allah. Et c'est lui qui te connaît. Et si demain il veut, prends tout en une seconde. Tamam. Ensuite, il dit. Inna fawa'id as-sina'a kathira. La tu'ad. Donc, certes, les utilités industrielles sont très nombreuses. Elles sont, on va dire, après, il dit le contraire, elles sont indénombrables. ولقد أراحت الإنسان من بعد ما كان يقيسه ويعينه أو يعين يعاني فن طيب نعيد لقد أراحت الإنسان من بعد ما كان يقاسي ويعاني منه donc il dit elle est venue reposer l'humain ce qu'il a rencontré comme difficulté d'accord là c'est le sens de قاسي يقاسي et Ana Yohani t'apparaît là. Les choses qui le fatiguaient, c'est fabrication, cet industrie est venue pour l'alléger et le reposer. Car beaucoup de choses, c'est vrai, c'est les machines qui le font aujourd'hui. Et ça amène à quoi aussi? Beaucoup de pays, du chômage. Bah, ils se plaignent trop de chômage. Bah, arrêtez de faire des trains qui marchent tout seuls, vous mettez des chauffeurs. Commencez par ça, ils veulent que les machines fassent tout. Toute la machine fait tout. Et demain, quand il y a un khalel, mais pourquoi il y a un khalel? On comprend pas, on avait tout bien calculé et tout. Pourquoi? Bah, demande à l'avion intelligent. Demande-lui à ton avion là qui est tombé, pourquoi, tu vois? Ou l'autre qui a déraillé, pourquoi? Demande-lui, l'intelligent. Je veux dire que t'es pas parfait. Quoi que tu fasses, ce sera jamais parfait. Al-Kamel, Munsifatillah. Laissez-le, Munsifatillah. Tu vois? La création, elle, de façon générale, elle est parfaite. Hein? On a créé l'insane de façon une constitution parfaite ou la meilleure constitution. Et quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à égaliser ce qu'Allah l'a créé. Et pourtant, c'est ça qu'ils veulent faire. Aller plus loin, plus loin et plus loin. Tu pourras aller aussi loin que tu veux, tu n'iras jamais. Jamais tu iras assez loin. Jamais tu pourras. Ensuite, il dit Sahalat lahu as-safar, par exemple. Cela lui a facilité les voyages. ويسرت له العلم لفاسيتي كوا لا سيونس وما هدت له الارض السلال يتندو لا تير فسهل اتصاله مع الاخرين في كل قطر السلال يا فاسيليتي لو كونتاكت avec les autres dans le monde dans les autres pays يسمع اخبارهم il entend de leurs infos de leurs nouvelles. وَيَشْحَدُوا أَحْوَالَهُمْ et constate leur situation. وَيَأْكُلْ مِنْ خَيْرَاتِهِمْ et ils mangent de leur alimentation. Par exemple, tu es dans tel pays, aujourd'hui tu arrives à manger la nourriture de tel pays. À tel point que même des fois, des nourritures de certains pays sont devenues des richesses d'autres pays. Un exemple, les pâtes. Tout le monde pense que les pâtes c'est italien. Tellement ils sont devenus connus que ça. À la base, les pâtes, ça vient de Chine, comme on dit. Tu vois, ça vient de Chine, c'est eux qui ont inventé ça. De ce que je sais, maintenant, t'as vu. Tel plat comme ça, ça fait usurper par d'autres pays. Tu crois que ça vient de tel pays? En fait, non. Ça vient de tel pays. Également, Yakul, Yastafidou min tijaratihim, ils profitent de leur commerce. Enfin, tijaribihim. De leurs expériences. C'était Jaribim. L'expérience. Ça, c'est vrai. Que des fois, une personne, un pays, va inventer un truc, et un autre pays va combler ce truc par une autre chose. Et ainsi de suite, après, ça avance, ça s'assemble, et ça avance. Non, mais pas de l'île là. Wa innana la nastati'u an nursiya fawaid al tatawwur al sina'i. Et nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir compter le nombre d'utilités de l'évolution industrielle. ولكن الإنسان اليوم الذي استطاع أن يكتشف سطح القمر يستطيع أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. Ah. Une. Donc là, regarde un peu l'erreur. Il dit, cependant, l'humain aujourd'hui, qui a été en moyen de découvrir le sol de la Lune, hein, est en mesure de pouvoir parvenir à ce qui est plus loin que cela par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux là, l'homme a marché sur la Lune. Vous dites, tiens, regarde, tellement ils vont loin là, industriels, kazakaza, que vous y croyez à ça. Et ça, sincèrement, c'est un mensonge. C'est un mensonge, personne n'a été sur la Lune. Même les koufars le disent. Ça, c'est une mascarade des États-Unis. C'était au moment où il y avait la guerre, justement, la guerre industrielle entre la Russie et les États-Unis, savoir qui était le plus développé, le plus avancé. Les Américains ont dit, ah ouais, ben nous, on est plus loin que on va aller sur la Lune. Ils n'ont jamais même pas mis un orteil sur la Lune. Rien du tout. C'est un grand mensonge. Regarde lui, il est en train d'y croire. Donc là, il est en train d'appeler à quoi alors avec ça? Un tarvim des koufars. Car c'est, on dit qu'on serait monté sur la Lune. C'est pas les moussoukou qui ont été sur la Lune. C'est les Américains. Donc là, tu appelles à ce que les gens sont impressionnés par les koufars. Ce texte-là, là, fi nazar kathir. Comment il parle là, il amène à, tu vois, à glorifier les koufars. Les lâchèques. Donc on dit, les humains n'ont jamais été sur la Lune. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il dit carrément, ils peuvent aller plus loin que cela. Bah vas-y. Va. Et même on dit qu'on va plus loin que cela. Hab, annana, natajawaz an, hadil masafa. Eshufiduna fedinina, hada. On va sur la Lune. Ça nous rapprocher à quoi d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela? En rien. En rien. Ça nous profite en quoi, à notre paradis, notre enfer pour ceux qui doivent y aller? En rien. Est-ce que ceux qui ont été, les cosmonautes à côté sur la Lune, là, ils sont convertis à l'islam? Peut-être, pas mieux, Allah, Allah. Mais c'est quoi leur but? Est-ce que c'est de pouvoir découvrir la création, pouvoir dire que vraiment Allah, il est grand? Ou pouvoir après cela raconter et dire on a fait? C'est quoi ton but? Si jamais tu fais toutes ces choses-là dont tu parles dans le texte, c'est pour glorifier Allah, montrer comment il est grand, monter l'hymen, parce qu'on sait que la foi, elle monte lorsqu'on constate la création. On médite. Allah nous apprend à méditer sur sa création, tu vois, pour pouvoir faire monter la foi. Là où c'est une bonne chose. Mais c'est juste pour après se vanter, et c'est pour le prochain pas qui, on a fait, on a compris, on a avancé, on a. Ça, c'est sifre, ça. Ça, c'est stigbar, ça. Kibre. Ça, c'est l'orgueil, ça. Et l'orgueil, ça va t'amener à quoi? À te croire à un niveau qui n'est pas le tien. Là, t'es rien du tout. Donc là, dans cette vision-là, là, de taour, c'est une fitna pour l'homme. Je préfère être là avec mes outils rudimentaires et avoir une foi en Allah et l'adorer comme il faut, plutôt qu'être là avec ma fusée, me croire approcher pas qui, et dire que tout a été créé par le hasard, et qu'on avance, et qu'elle nous arrête. Eh ben, toi avec ton couf, vas-y, va. Va là où tu veux avec ta fusée, avec ton couf. Pas avec Allah, tu détruis ta fusée. Et laisse-moi moi et ma cuillère en bois, hein, et mon verre en terre cuite, et me prosterner 5 fois pour faire mon salawat, faire mes ibadah, wajiba, mes arcanes et tout, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans ma tente, dans une forêt. Laisse-moi dans mon coin. Et toi et ton tataou, vas-y, va. Quitte à ce que je meure d'une maladie, ça me fait pas grave, je meurs, c'est pas un problème. De toute façon, je vais mourir un jour. Eh, je meurs et après, une chance de voir là. Mais toi là, vas-y, va. Et brûle dans ta fusée là quand tu traverses l'atmosphère là, vas-y, brûle. Quand tu vas dire pourquoi on a brûlé, on n'a pas compris, on a oublié un élément. T'as rien compris, t'as rien fait toi. Même demain, être volontaire, eux, ils font responsable. C'est à cause de qui? C'est à cause de vos péchés. Alors, Dieu. À cause de vos péchés. C'est ça la responsabilité. Non, eux, ils veulent quelqu'un, il y a un ouragan, c'est à cause de Dr. Fouet, il n'a pas pu calculer, il n'a pas pu voir avec ses machines, qu'il y a un ouragan qui est arrivé. C'est lui le responsable. Mais t'as rien compris, toi. Demain, là, il fait un ouragan, il apparaît comme ça. Et ils veulent la responsable à chaque fois. Tellement, c'est des gens, tu vois, ils se basent trop sur, comme ils disent là dans le texte, sur leur raison, sur eux-mêmes. S'il y a un problème, c'est que c'est ta faute à toi. Ben, on dit, c'est triste, hein. فإن تفكير لن يتوقف وخيرة الله لن تنقطع. Allez, il parle un peu d'Allah à la fin. Et car c'est la réflexion ne s'arrête pas, et que les bienfaits d'Allah, khayrat, on va dire le bien d'Allah, est incessant. Naam, c'est vrai. Il aurait fallu que tout ce qu'il dit depuis le début là ramène à ça. À remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Naam. ton acte d'ibada, l'yom, toujours, toujours, toujours, ne jamais oublier que tout ce qu'on a, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. On n'avait aucun bénéfice dans la subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qu'on a comme aujourd'hui, choses qui ont évolué, industriellement parlant, qui nous servent dans notre vie quotidienne, il faut qu'elle nous serve à nous rapprocher d'Allah, à nous rappeler, et à la mettre, nastamilwa fi ta'atillah, fi sabilillah, l'utiliser dans son obéissance et sur son sentier. Ah ben ça, c'est pour pouvoir après se vanter et dire qu'on a, vous n'avez rien fait. C'est Allah qui a tout fait pour vous. Qui vous a accordé cela par sa grâce. Toujours le remercier et se servir de ces bienfaits-là pour l'adorer. Comment construire de meilleurs masajid? Comment trouver mieux la qibla? Comment la médecine, par exemple, soigner les malades? Ce genre de choses, tu vois. Non. Pour qu'il puisse quoi? Adorer Allah. Ah, mais c'est pour le guérir après, il dit ouais, khalas, il oublie Allah, bah reste malade. C'est mieux pour toi. C'est pour qu'après tu deviennes un grand rebelle qui t'égare les gens, bah reste malade. Peut-être même meurs. On se débarrasse de toi. Un apprendre guéri, t'avais, je sais pas, une maladie incurable, tu étais paralysé, avant tu te mets à avoir tes jambes, tu vas faire zina, tu vas danser, tu vas faire je sais pas quoi. T'étais mieux paralysé. Franchement, c'était mieux pour toi. Tu prenais moins de mal. Mais bon, malheureusement, tu vois. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Azaou. On a dit Subhanak Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دمام افاق.com